Pierre Auditeur d'ici vous parle le podcast, le créateur. Et toutes les semaines, je citerai un post qui aura la duration de toute la semaine. Le post de cette semaine s'appelle La récupération de l'humanité perdue, que je passerai à citer. Niera l'homme l'existence des patriarches existés orientés par Dieu, plus nommément Moïse, qui orienté par Dieu a perpétré le récit le plus assignalable de toute l'histoire religieuse avant la naissance de Jésus et qui a été la fuite du peuple d'Israël au travers de Moïse, orienté par Dieu. Si Dieu a communiqué avec Moïse, c'est parce qu'il y avait un besoin de l'homme être perfectionné pas seulement à l'image de l'irressemblance de Dieu, mais aussi à l'image de la perfection de Dieu. Ce perfectionnement-là n'existait pas dans l'homme primitif, et celui-ci n'était pas une des conditions physiologiques d'ouïr Dieu. Dieu ne pourrait communiquer avec Moïse s'il n'avait pas eu une évolution de l'homme primitif. Ainsi, la théorie de l'évolution de l'homme à avoir existé et à avoir des significations aurait d'avoir un propos qui était celui de la communication de Dieu avec l'homme et son approche davantage à Dieu, en faisant que l'homme se développait. La transformation des descendants d'Adam en homme primitif serait un passage naturel une fois que l'homme un malheur au travers d'Adam aura mouru, pas dans le corps, mais oui, dans sa forme originelle, que faite à l'image de Dieu, un Adam passerait pour une image inférieure, celle-là de l'homme primitif. La théorie de l'évolution a été ainsi une reprendre de l'image de Dieu, et donc l'homme souffrir éventuellement la théorie de l'évolution que le conduirait à reprendre une fois de plus le contact avec Dieu au travers des patriarches, représentants de l'homme croyant. Et c'est la fin du poste du 22 juillet 2016. Vous pouvez visiter aussi les deux blogs que j'ai, un dont le blog intitulé « Au Créateur Éterne » écrit en français aussi, et d'autres dont le Facebook intitulé « Au Créateur Éterne » au Verbe » écrit en français également. Et maintenant, je vous laisse avec musique classique dans laquelle vous irez écouter Peter Tchaïkovski, Serenade for String Orchestra in C Major, opus 48, deuxième mouvement. Thank you.